les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré qui vous livrait des bons plans et les coups de cœur vosgiens. Ça vous le dira aussi, auditeur de Radio Caraïbes Nancy sur les 90.7 à Nancy, les samedis à 7h et le dimanche à 6h. Et à vous aussi, auditeur de Radio Gamozo sur les 107 FM à Remiremont les samedis à 8h30. Et pour vous, qui êtes de bonne humeur mais pas de bonheur, retrouvez les Vosges samedi sur les www.rcn-radio.org et sur www.radiogamozo.eu. Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi. Eh bien voilà, je vais vous la proposer en intégralité, cette interprétation des grandes gueules par Keo Tribot. Donc Keo Tribot, un folk vosgien, un folk des sapins, comme d'ailleurs le dénomme Rudy de l'estaminet à Vanier. Eh oui, parce que vous êtes dans un Vosges samedi, on va dire spécial Vanier. Alors, deux lieux incontournables dans cette période estivale. D'une part, bien entendu, comme je l'ai signalé chez Rudy à l'estaminet, c'est le bar central où d'ailleurs a été tourné des scènes, alors pas dans le bar mais sur la place centrale, des scènes mémorables du film Les Grandes Gueules. Donc, Keo Tribot nous interprétait donc ce générique de cette émission des Vosges samedi que vous pouvez trouver en podcast sur vos sites vos radios favoris à la date du 7 juillet 2018 puisque cette émission sera rediffusée au fil de l'été. Donc Les Grandes Gueules, film sur les Hauts-de-Vosges de 1965 avec Lino et Bourville, Lino Ventura et Bourville entre autres, et surtout tous des endroits que vous pouvez découvrir au fil de ce secteur de ces Hauts-de-Vosges, vallée de la Haute-Moselotte, à une dizaine de kilomètres de Remiremont, pour ceux qui ne seraient pas de la région. Et donc, vraiment, je ne peux que vous conseiller, vous inciter même, c'est pas une injonction, mais presque, vous inciter même donc à découvrir cette région et à découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, le théâtre de Verdure qui se trouve au cœur de Vanier et notamment sa programmation théâtrale du plateau ivre dont Hélène Tisserand va pouvoir nous en donner les grandes lignes. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Alors Hélène Tisserand, une des pièces maîtresses des clés de voûte, enfin il y a au minimum déjà deux clés de voûte, hein. c'est je sais pas c'est quel style architectural, mais beaucoup d'autres clés de voûte, parce que le théâtre de Verdure où vous produisez en tant que troupe du plateau ivre, oui. Mais repose sur des dizaines et des dizaines de comédiens, parce qu'il n'y a pas que la seule prestation du plateau ivre qui se trouve dans cette période estivale 2018, été 2018. Oui, tout à fait. On en est à la 14e édition du Théâtre de Verdure. En effet, on a commencé, donc Pierre-Marie, l'autre clé de voûte, fondateur du plateau ivre avec moi-même, a présenté notre spectacle. À l'époque, à la première édition du Théâtre de Verdure, on était tous les deux acteurs professionnels, plus trois chèvres et un chien. Depuis, les trois chèvres et le chien ont été remplacés par de nombreux artistes invités, de nombreuses compagnies, toutes professionnelles, avec une programmation à découvrir entre le 13 juillet et le 25 août. Alors justement, une programmation très riche dont ces radios associatives ont vraiment un bonheur, ont le plaisir de faire partager avec leurs auditeurs les pépites dont vous allez nous parler maintenant. Oui, tout à fait. Alors, le 30 juin, on donne rendez-vous aux spectateurs pour une présentation de saison. Donc, dès 18h30, on vous expliquera un petit peu tout ce qui va se dérouler dans cette saison et on vous donnera envie de venir découvrir tel ou tel spectacle. Et à 21h, on accueille deux concerts punk rock de Metz, Confusion et Cher, qui seront seront en direct dessinés par notre artiste invité de la saison, Thomas Bernardi, en live. Voilà, donc ça c'est pour le 30 juin. Et comme l'émission passera au départ le 7 juillet théoriquement, peut-être je pourrais la faire passer avant, on va commencer après le 30 juin donc. Très bien. Eh bien donc le vendredi 13 juillet, on aura l'ouverture de la saison avec la compagnie Mavra, voilà, avec qui on a l'habitude de travailler, on va dire, une fois chaque deux ans, parce qu'on aime beaucoup leurs propositions artistiques. Emeline et Jean-Thomas, donc, qui sont les fondateurs de cette compagnie, nous présenteront à 18h pour l'ouverture de saison une lecture spectacle autour de textes de Kurt Cobain. Voilà, donc toujours avec un grand souci de théâtraliser et de faire entendre des textes contemporains. Dans nos soirées d'ouverture de saison à partir de 18h, on aime bien aussi inviter les spectateurs à venir casse-croûter avec nous. Donc le casse-croûter inclus dans la soirée, on vous invite à réserver votre soirée. Et à partir de 20h30, on aura tout un concert de la compagnie Mavra, donc ce sont des artistes comédiens et musiciens qui nous proposent un concert qui s'appelle Une Suzée au lit, d'une durée à peu près d'une heure trente, de quoi danser sur des vieux tubes des années 60, 70. Voilà, donc vraiment tout un programme entrecoupé des propositions de Pierre-Marie Paturel, donc de notre compagnie, qui propose au Théâtre de Verdure, on a la chance d'avoir une petite boîte d'installation, de performance. Cette année, on la réserve pour le cabinet de curiosité de Pierre-Marie, donc chaque 10 minutes, 10 spectateurs sont invités à rentrer dans ce cabinet de curiosité pour vivre un moment un petit peu hors du temps. Voilà, ce sera le vendredi 13 juillet. Et ensuite, la saison se poursuit au fil des week-ends. C'est principalement les week-ends qu'ont lieu les prestations théâtrales ? Les compagnies sont amenées à se produire les week-ends parce qu'on aime qu'ils puissent avoir le temps un petit peu quelques jours avant de venir vraiment proposer une adaptation par rapport au Théâtre de Verdure, prendre le temps dans le lieu, d'envanier, vivre vraiment au rythme du Théâtre de Verdure plutôt que de tout rassembler sur un festival. Donc oui, en effet, les présentations ont plutôt lieu le week-end. Entre le 18 et le 20 juillet, c'est pas tout à fait le week-end, et pourtant on aura une décentralisation du spectacle Casse-Départ. Donc le spectacle Casse-Départ que j'ai coécrit avec Pierre-Marie Paturel il y a maintenant deux ans, que nous avons joué, on va dire, une vingtaine, trentaine de représentations, et que nous avons remis entre les mains d'autres acteurs qui proposeront une tournée dans les cours de ferme. Depuis l'année dernière, on a expérimenté ce principe, c'est-à-dire le Théâtre de Verdure se déplace chez les agriculteurs pour proposer du spectacle dans les fermes. Ce sera le mercredi 18 juillet à 15h, le jeudi 19 juillet à 15h, le vendredi 20 juillet à 15h. Entre Vannier, Gerbamont et Saulxures-sur-Moselotte, vous pourrez découvrir le spectacle Casse-Départ autour du développement durable, un spectacle vraiment familial et ludique. Et initiative déjà bien, vraiment très bien accueilli, et par ceux qui vous accueillent et par le public d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est important pour nous de créer des liens. Quand on choisit d'aller acheter un master ou de regarder un spectacle, au final, on se positionne dans un engagement sur la culture ou l'agriculture et sur le local. Et pour nous, c'est important de mettre les choses en lien. On propose aussi aux spectateurs de pratiquer le théâtre entre le 23 juillet et le 26 juillet. Il s'agit des stages de théâtre que nous menons avec des enfants, des adolescents et des adultes. Il y a 10 heures de formation qui propose après une présentation de fin de stage pour les enfants et adolescents et 20 heures pour les adultes. Cette saison est sous le signe du 360 degrés, donc on va vraiment être amené avec les participants du stage à explorer, je pense, chaque recoin du Théâtre de Verdure et des écritures contemporaines. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire sans problème sur leplateauivre.com. Il reste des places, ou alors venir profiter de la présentation de fin de stage le 26 juillet à 20h. Voilà, c'est toujours un moment très très chouette. Et ensuite se poursuit les prestations avec des troupes invitées et également vous-même, bien entendu. Oui, tout à fait. Donc le samedi 28 juillet, on accueille la compagnie La Chose Publique, que nous avons déjà accueillie l'année dernière, et avec un très très beau spectacle qui s'appelait Le Marchand de Voyage, qui était un spectacle musical et théâtral. Là, ils reviennent avec une création qui va sortir incessamment sous peu. Le spectacle n'est pas encore sorti, mais on travaille vraiment en confiance avec eux. Ils proposeront le samedi 28 juillet un spectacle qui s'appelle « Ça mouline dans ma tête ». Vraiment tout public, vraiment familial. Il y a un tarif unique à 6 euros, un petit peu exceptionnel. Une représentation à 15h et une à 18h. Donc il faut vraiment venir profiter de ce petit moment. Ils arrivent à trouver des choses très fraîches, très poétiques, très musicales. Ils vont nous amener dans l'univers du cerveau humain. Donc ça va être un très très beau moment à vivre en famille. Et cette journée du 28 juillet sera entrecoupée aussi de l'entresort, le cabinet de curiosité, donc par Pierre-Marie Paturel. Vous pourrez rester comme d'habitude entre les spectacles, un petit peu avant, un petit peu après, pour venir voir le cabinet de curiosité ou pour profiter de la petite restauration, de la buvette sur place. Et on arrive donc dans la deuxième partie de la saison estivale 2018 du plateau ivre, enfin du théâtre de Verdure plus exactement, puisque vous accueillez un certain nombre de troupes extérieures au plateau ivre. Alors le mois d'août, on y est. À partir du vendredi 3 août, on accueille Romain Dudonné, qui est comédien qui a créé le personnage du conférencier Ludovic Fuchtelkeit, qui viendra passer un sacré moment avec nous, notamment le vendredi 3 août. On vous propose un atelier d'écriture. Donc sa compagnie, c'est la compagnie Astrotapir de Nancy. Vous pourrez réserver votre inscription pour participer à l'atelier d'écriture le 3 août de 14h à 16h sur notre site internet, toujours www.leplateauivre.com. Et cet acteur travaille avec nous sur le spectacle du samedi 4 août qui s'appelle La meilleure version. Ce spectacle sera proposé le 4 août à 18h et le 5 août à 18h également. Il s'agit d'un spectacle qui mêle amateurs et professionnels. On est 4 professionnels de la compagnie Le Plateau Ivre, plus Romain Dudonné, plus un technicien qui sera à nos côtés, plus un illustrateur, Thomas Bernardi, pour travailler autour d'une écriture très très documentarisée autour de toutes ces petites recettes sur manger 5 fruits et légumes par jour, comment bien dormir, comment être la meilleure version de soi-même. Donc on a nommé ce rendez-vous entre théâtre, conférence et dessin. C'est notre création à découvrir le samedi 4 août et le dimanche 5 août. Donc on a parlé de l'atelier d'écriture le 3 août, mais il y aura également un atelier de dessin avec le collègue de Thomas Bernardi, Florent Kubler, qui viendra proposer, dans le cadre du théâtre de Verdure de la saison estivale, une balade en crayon. Pareil, donc sur inscription, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet. Et ensuite, nous progressons vers la mi-août, on va dire. Oui. Alors, mi-août, on accueille un gros événement. Ils seront là dès le jeudi pour leur installation. Le vendredi, ils vous proposeront déjà vendredi 10 août de venir profiter du village. Il s'agit de la compagnie nomade de Tournai. Donc ce sont trois compagnies que nous accueillons ce week-end-là entre Belgique et Bretagne. Donc le vendredi 10 août, le théâtre de Verdure sera ouvert entre 16h et 20h pour profiter de ce village qui est vraiment une installation ludique autour du jeu, de l'animation et du théâtre, bien sûr, en plein cœur de notre nature. Donc venez profiter de ça avec le cabinet de curiosité qui sera également ouvert. Et le vendredi 10 août, on propose toujours des petites décentralisations comme on le fait dans les cours de ferme en juillet. En août, on le fait dans les villes avoisinantes. Donc il y aura de la décentralisation, des petits extraits de spectacles à La Bresse, à Gérardmer et à Vanier. Le gros rendez-vous, ce sera donc le samedi 11 août avec toute une journée qu'on a appelée la journée des curiosités. On va accueillir le spectacle Les Sifflingues. Il s'agit de 3 épisodes de 20 minutes d'un western théâtral burlesque, très très familial. Donc venez à partir de 15h le 11 août, vous repartirez vers 22h. Vous en aurez plein les yeux, plein la tête, plein les oreilles et plein de beaux souvenirs entre Les Sifflingues, le musée du rock et le village. Voilà, pour vraiment passer un petit moment très très familial. Et ensuite, dernière partie de la saison 2018 du Théâtre de Verdure à Vanier. Oui, il nous reste donc 2 week-ends. Le samedi 18 août, on accueille la compagnie Logos, qui est une compagnie émergente de Nancy, qui vient nous proposer un très très beau texte qui s'appelle Love and Money, de Dennis Kelly, mis en scène de manière très contemporaine par Guillaume Cabrera, qui viendra proposer le samedi 18 août un petit atelier improvisation autour de la thématique Love and Money entre 17h et 19h sur réservation, et le spectacle sera donc à 20h30 voilà, avec toujours la possibilité de se restaurer avant, après le spectacle. Et le dernier week-end, le week-end du samedi 25 août, nous convions certains amateurs et friands d'ateliers chorégraphiques à venir s'inscrire quelques jours avant pour profiter de ce spectacle. La compagnie Undercloud, qui est une compagnie très renommée sur Nancy, certainement certains auditeurs auront entendu parler du Funambus qui a tourné pas mal les temps derniers. Là, il s'agit de leur dernière création qui s'appelle Versant, qui est une grande table de banquet sur laquelle toutes les acrobaties sont possibles, à mi-chemin entre cirque et théâtre. Et on invite donc certains amateurs à venir participer au spectacle. Pour ce faire, il faut venir s'inscrire et participer 2 jours avant à l'atelier chorégraphique qui vous sera proposé par Chloé Moura et Diane Weckl sur les 2 jours avant le spectacle. Le samedi 25 août, ce sera notre clôture de saison à 17h avec le spectacle Versant et donc ses amateurs qui participeront. Un petit casse-croûte qu'on aime partager avec les spectateurs et un très très beau concert, les Strange Ladies, compagnie d'Escabelle, à 20h30. Il s'agit de 3 super nanas qui portent à merveille différents textes, différentes compositions musicalement et aussi avec une vraie théâtralité. Voilà pour la clôture de saison le 25 août. Alors, avant de nous quitter, 2 points importants peut-être à nous détailler. D'une part, les tarifs et d'autre part, le lieu. Alors, le lieu, en termes de capacité d'accueil, on ne va pas repousser les murs parce que le théâtre de verdure, c'est justement dans la verdure. Tout à fait. Après, on a quand même quelques contraintes pour que tout se déroule au mieux. On n'a jamais jusqu'alors accueilli plus de 250 spectateurs. On va dire qu'on a une moyenne de spectateurs entre 100, 150, 200 principalement. Donc si vous réservez, c'est aussi bien. www.leplateauivre.com, vous avez toutes les informations. Le mieux, c'est de réserver directement par SMS, compte tenu qu'on a une messagerie vocale et pas forcément une permanence sur les téléphones, mais vous avez les contacts sur le site internet 06 75 96 40 78. Le théâtre de Verdure est un très très beau lieu à découvrir, donc vraiment en famille, entre amis, on est vraiment dans la montagne de Vanier, même les gens du coin sont très dépaysés avec des très belles roches qui amène vraiment un côté un peu mystique au lieu, des gradins de pierre, donc qui peuvent accueillir, je l'ai dit, à peu près 250 spectateurs maximum. Et puis, cette saison à 360 degrés, donc avec des choses qui vont se passer un peu partout au Théâtre de Verdure, parce que ça représente à peu près 2 hectares qui sont aménagés avec buvettes, toilettes sec, régie, gradins, petite scène, grande scène, espace de déambulation. Tout est possible au Théâtre de Verdure à Vanier. Et en fait, le dépaysement est procuré par les quelques centaines de mètres qu'on a amené à faire à pied. Le parking est en contrebas, avec une possibilité pour les personnes à mobilité réduite de pouvoir se rendre directement sur place. Mais sinon, il y a quelques centaines de mètres à pied qui permet de faire ce dépaysement déjà dans la tête pour arriver jusqu'à vous au plateau de verdure. Tout à fait, donc l'accès est relativement fléché, sinon vous indiquez sur votre GPS rue des Angles. Rue des Angles, vous vous retrouvez au parking du Théâtre de Verdure, un parking qui peut contenir à peu près 100-150 véhicules sans problème. Et puis on monte à pied, c'est 300 mètres de chemin de terre, donc c'est mieux de ne pas arriver en talon aiguille, bien que on peut être très à l'aise en talon aiguille. Et puis avec une petite laine, si vous comptez passer la soirée avec nous, au coin des Braseros, c'est très agréable, donc il faut en profiter et un vrai dépaysement assuré. On invite tous les spectateurs à réserver, notamment pour les soirées où il y a de la petite restauration sur place. Sinon, vous pouvez venir une demi-heure avant rechercher vos billets à la billetterie sur les lieux des spectacles. Si vraiment il fait pas beau, c'est un théâtre à ciel ouvert, on a souvent des solutions de repli, on vous les indique en bas du parking, bien qu'on essaye le plus possible de maintenir les spectacles en extérieur sur notre lieu. Il y a un pass saison qui vous donne accès à tous les spectacles, avec un petit supplément bien sûr pour les soirées avec casse-croûte, à 35 € en tarif plein et à 25 € en tarif réduit, donc il faut vraiment pas s'en priver pour venir assister à tous les spectacles. Sinon, le prix des spectacles est environ à 10 € tarif plein quand il n'y a pas de casse-croûte. Et s'il y a du casse-croûte, c'est à 18 € en tarif plein avec un concert, un spectacle, un casse-croûte la plupart du temps. Voilà comment ça se déroule. Et comment, effectivement, on revient au Théâtre de Verdure pour ceux qui le découvriraient pour la première fois, parce que c'est un lieu vraiment à découvrir et à revenir chaque été, puisque vous proposez pour la combien de énième année ? 14e édition. Voilà. Alors, un grand merci avec ce que vous nous avez dit. Eh bien, j'ai regardé mon planning. Cette émission sera déjà diffusée en juin parce qu'il ne faut pas louper le lancement de la saison du Plateau Ivre du 30, donc le 30 juin, hein, c'est cela. C'est ça, c'est la présentation de saison. On vous mettra l'eau à la bouche et on vous expliquera un petit peu tout ce qui va se dérouler dans cette saison. Eh bien, merci Hélène. Dans la poursuite de cet entretien, bien sûr, ça s'imposait, Les Grandes Gueules, interprétées par Kéo Tribot. Merci, à bientôt au Théâtre de Verdure à Vannier. Merci, avec plaisir. Eh oui, les grandes gueules, eh bien, vous pouvez aussi les retrouver donc le long de ce circuit où ce film en 1965 a été tourné, notamment dans le secteur de Vanier. Cette saison 2018 du plateau Ivre, plus exactement du théâtre de Verdure, hein, puisqu'il n'y a pas que les prestations du plateau Ivre, comme Hélène Tisserand vient de nous l'expliquer, eh bien, vous pouvez aussi faire un séjour à Vanier, pourquoi pas, puisqu'à Vanier même, il y a un camping également sur le secteur, donc à 1 km, tout est quasi au centre, aux bordures du centre de Vanier. Et puis également, des animations musicales, hein, comme je vous l'ai dit, au niveau donc de l'Estaminet, ce bar qui propose les dimanches en fin d'après-midi des concerts. Alors, je rappelle le numéro de téléphone du plateau Ivre, 06 75 96 40 78, je répète, 06 75 96 40 78. Sinon, tout attaché sur le site www.leplateauivre.com. Et puis, eh bien, compte tenu de l'intérêt de cette présentation de saison, eh bien, cette émission sera diffusée en première diffusion, donc en juin, puisque le 30 juin est lancée cette saison, elle sera donc diffusée le 23 juin et rediffusion le samedi 30 juin 2018. Donc c'est à la date du 23 juin que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur d'une part les sites des radios, Radio Caraïbes Nancy et Radio Guémouzeau sur le Grand Mirmont. Un grand remercie d'ailleurs aux techniciens de ces radios, d'une part Thomas pour RCN, d'autre part Marcus pour Radio Guémouzeau, et on ne change pas un générique de fin qui gagne, à savoir Dominique Walter qui nous interprète « Que les Vosgiennes sont belles ». Bel été à vous, auditrices et auditeurs des Vosgiennes. Bon allez, les Vosgiennes maintenant. Ils viennent un de Saint-Dié, de la Bresse ou de Gérardmer, les excités de la montagne. Le froid n'est pas près de les congeler, à la Mirabelle ils se sont damnés, c'est leur carburant vital. Pourtant, on n'en fera pas des centenaires, car quand ils grimpent sur mes mers, ils assurent comme des malades. Et y'a que le soir après le boulot, le brame du Vosgien fait de l'écho pour le plus grand plaisir des dames. Pourtant, que les Vosgiennes sont belles, comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle. Et tous les moineaux se mettent à chanter. Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en cœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille, maman se met le vernis aux orteils et papa son caleçon de bal. Et puis, dans la soirée bien avancée, le caleçon tombe sur le plancher. Le Vosgien est de fort bonne race. Et puis, mesdames, vous vous remuez, et tout le bazar est animé, ça élimine la matière grasse. Être excité quand tombe culotte et jartelle, tous les moineaux se mettent à chanter. Le dimanche arrive à grands pas, après la bouffe, la gueule de bois, il faut éliminer les scories. Alors on va écouter le brame du cerf, car dans la soirée de toute manière, ça peut redonner des envies.